L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Marche, VTT, cyclo, course nature, le 14 septembre, la fête de la rando revient à Brabois pour sa 26e édition. Pour en parler, Guy Delettre La Perdrie, bonjour. Bonjour. Vous avez été président pendant 4 ans de l'RMI, vous avez cédé votre place à Gérard Georgel, mais ce rendez-vous de la fête de la rando pour l'association l'RMI, c'est toujours un grand, grand rendez-vous pour vous, j'imagine. Oui, c'est un peu le point d'orgue de notre année associative, hein, puisque les meilleures années, on accueille entre 1600 et 1800 participants. C'est vrai que la météo est un facteur important, mais en général, on est toujours satisfait. Puis il y a une ambiance qui est tout à fait particulière, puisque ce sont majoritairement des amis de la RMI qui soutiennent la recherche en cancérologie pédiatrique, et puis aussi des amis de toute nature. C'est aussi un rendez-vous associatif ou inter-associatif. La RMI, Association pour la Recherche et les Études dans les Maladies Infantiles Graves, peut-être nous rappeler un peu votre rôle si important, notamment pour ces enfants et leurs parents? Donc, est une association qui est reconnue d'utilité publique depuis 2009, qui nous permet d'avoir une trésorerie, des legs et des dons sans fiscalité. Ça, c'est un atout majeur sur la générosité des Lorrains et des gens du Grand Est. Puis nous avons trois missions statutaires. La première, c'est d'aider les enfants lors de leur hospitalisation, mais également après, en ce sens que pour les aider à reprendre pied dans la vie, on va dire au-delà de la convalescence, à reprendre pied dans la vraie vie, on les aide aussi. On gère la maison des parents, on a 18 chambres, donc 18 familles qui logent chez nous pendant que l'enfant est en soins à l'hôpital des enfants. On est à quelques centaines de mètres des lieux de soins. Et la troisième mission, qui est une mission qui est financièrement très importante, on co-finance des projets de la Société française des cancers de l'enfant à Paris, ainsi que aussi en recherche locale sur le plateau de Brabois en termes de cancérologie pédiatrique. Voilà, et cette maison des parents que vous avez évoquée, on la voit hein, quand on va participer à la fête de la rando, on passe voilà. Juste à côté. C'est vrai que parmi les petits ateliers qu'on propose en termes d'animation l'après-midi, il y a la visite de la maison des parents qui est le fruit, donc j'évoquais de la générosité des Lorrains, mais cette manifestation entre dans le cadre d'un concept qui s'appelle Septembre en or, hein, les médias commencent à en parler maintenant de plus en plus, c'est le mois international de sensibilisation au cancer des enfants. C'est un concept qui est venu des États-Unis en 2012, nous on l'a pris le train en 2018. Au début on était tout seul, maintenant on est 17 associations dans le Grand Est à soutenir donc ce concept de Septembre en or. On a beaucoup de manifestations, c'est vrai qu'en septembre les bénévoles de la RMIG et des autres associations, on se retrousse les manches afin d'être visibles. Voilà, et les bénévoles, ils seront bien présents, bien sûr, le dimanche 14 septembre pour rendre possible cette 26e édition de la fête de la rando. Alors, je l'ai dit en introduction, marche, VTT, cyclo, il y en a vraiment pour tous les goûts. Oui, on a même ce qu'on appelle la course nature, c'est-à-dire c'est de la course à pied sur les parcours de marche. Et puis, on fait aussi de la rando orientation, c'est une chasse aux balises, la course d'orientation, mais sans challenge, on le fait à son rythme. Et sinon, plusieurs circuits hein, pour ceux qui veulent simplement marcher, même en poussette, c'est possible. Oui, ça. Alors on a spécifiquement un parcours famille de 6 km au départ de la maison des parents et retour à la maison des parents. Effectivement, c'est un parcours qu'on a particulièrement sélectionné pour son accessibilité. On a même quelquefois des fauteuils roulants, quand ils sont adaptés, qui peuvent participer. Enfin, c'est pas la majorité. Voilà, et ceux qui sont plutôt adeptes du deux roues, alors que ce soit en VTT ou pour la route, là aussi, il y a de quoi s'amuser. On a un club de Varangéville qui nous fait 75 et 100 km avec deux ravitaillements. Et puis le VTT, on a des boucles de 10, de 20, 37 et 51 km avec deux ravitaillements également. Ça représente combien de bénévoles d'investissement avec les associations partenaires? Alors là, on a fait, samedi dernier, on a fait notre réunion logistique de préparation. On a 80 postes pratiquement de bénévoles qui sont déployés autour de la maison des parents, donc sur la forêt aux alentours. Les 80 sont pas sur le site de départ, donc j'ai évoqué divers ravitaillements où il faut du personnel aussi pour accueillir et puis redonner de l'énergie à nos participants. Donc le départ, il se fait au parking P3 de l'hôpital d'enfants, voilà. Juste à côté donc de la maison des parents. Et pas mal d'animations aussi sur place. Hein. Le matin, c'est dédié au parcours. Lorsque les participants reviennent, les bénévoles auront allumé le barbecue, les friteuses, la machine à glace, comme ça. Et puis, une fois que le repas est lancé, on lance, nous, nos activités des activités de plein air, un peu de kermesse. Cette année, on aura des trampolines, on aura des sulkis, on aura au moins une douzaine d'activités différentes, à la fois spectaculaires et autrement des activités pour les enfants s'occuper l'après-midi. Et au-delà donc de toutes ces animations, bien sûr, l'argent récolté va permettre de rendre possible des projets de la RMIG. Voilà, en principe, comme j'évoquais le concept de Septembre en or, on a pris la décision, tous les excédents de recettes générés par la fête de la randonnée, on le dédie à la recherche en cancérologie pédiatrique, à la fois sur le plan local. On a une doctorante, hein, qui est la nouvelle chef de service d'ailleurs, hein, qui a des pistes énormes, enfin vraiment utiles dans la recherche en cancérologie pédiatrique, et puis également donc les plus grosses instances nationales, ce qu'on appelle la Société française des cancers de l'enfant, hein, qui appelle notre organisme de tutelle. On abonde, disons, à la trésorerie, parce qu'il faut savoir que la recherche est un secteur qui demande beaucoup, beaucoup de moyens, à la fois humains et financiers. Humains, on ne peut pas les donner, mais sur le plan financier, on fait le maximum pour les soutenir. Notez la date du dimanche 14 septembre, la fête de la rando, 26e édition. Guy de Lettres La Perdrie, vous en avez connu quelques-unes, j'imagine, des fêtes de la rando. Il y a une particulièrement, un souvenir, une anecdote qui vous a marqué? Ah bah écoutez, je crois qu'il y a 3 ans, on a fait 1830 participants. C'est vrai que le chiffre du nombre de participants montre aussi la vitalité de l'association. Pour l'anecdote que j'évoquais, la météo, qui est un facteur très important, il y a des années, on n'a fait que quelques centaines. Hein, lorsqu'il pleut dès le matin ou qu'il n'y a plus beaucoup la veille, etc., on a peu de participants. Hein, il y a des fois quelques centaines. Puis le jour où il fait beau, etc., on est arrivé, je vous dis, notre record, c'est pas loin de 1850 personnes. Pour nous, c'est magique parce que on a la logistique qui va bien pour gérer ça. Et puis après, je vous dis, c'est un peu le baromètre de notre notoriété, on va dire. Eh bien, on vous souhaite le soleil le dimanche 14 septembre. Les sourires seront bien présents, en tout cas sur les visages des participants. On peut s'inscrire d'ores et déjà, hein, c'est oui, plus simple. Alors, il y a deux types d'inscriptions. On s'inscrit le matin, comme on a fait depuis des années. Et puis depuis quelques années, on s'est inscrit à le site de Hello Asso. C'est H-E-2-L-O, puis Asso. C'est une plateforme gratuite, une plateforme associative qui gère donc les inscriptions. Comme ça, ça permet, lorsqu'on arrive sur le site, on est déjà enregistré, on gagne du temps par rapport aux inscriptions classiques. Voilà, et si on veut en savoir plus sur l'AREMIG, eh bien, il y a le site internet aremig.org. Voilà. On voit aussi toutes les autres animations, actions qui sont proposées dans le cadre de septembre. Septembre est particulièrement riche. Je vois que samedi, on a 4 manifestations différentes. Alors, on envoie 2 bénévoles par site, mais on tient à être présent aussi. C'est pour ça qu'on retrousse nos manches pour être présent sur tous les sites qui nous font l'amitié de nous soutenir. Rendez-vous le dimanche 14 septembre. Merci beaucoup, Guy de Lettres La Perdrie. Au revoir, Yves. Merci de cette interview. Au revoir. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.